Salut Charline. Alors, comme vous le savez, la semaine prochaine, je suis en vacances. Ouais, les Bahamas, ouais. Comme d'habitude. Ouais, ça va, ça va. Alors, je compte sur vous pour tenir la boutique. Ah, bah, ça va décoller, là, je peux te dire. Non, ce qu'il veut dire, c'est que l'émission aura une vraie tenue, voilà, quoi. Carré. Parce qu'avec moi, elle n'a pas de tenue. Non, c'est pas ça, parce qu'on a deux, trois idées pour améliorer. Bon, les filles, vous me les surveillez. Oui, t'inquiète. S'il y a le moindre souci, vous m'appelez. Attends, il y a le décalage horaire avec les Bahamas. On va pas t'ennuyer. Ou à des Caipirinhas, on va gérer tranquille. C'est ça, ouais. Bon, vous avez des idées au moins. Ah, plein d'idées. Alors, déjà, la chronique d'André. On va la faire passer de 8 minutes à 20 secondes. Ouais. Quoi, 20 secondes? Si. Mais on peut rien dire en 20 secondes. Mais c'est exactement c'est l'objectif. Il voilà, va envoyer le disque, hop, impeccable. Génial. Parfait. Et alors pour Clara, là, on va lui demander de simplifier comme ça. Attends, avec 250 mots de vocabulaire, on peut faire une très belle chronique. Mais oui, elle parle toujours d'anacolute, d'oxymoron, de palindrome. Les gens ne comprennent rien. Super, attends, j'ai une autre idée. Oui. On va ajouter un journal des sports. Ah non. Génial. Et alors, dernière idée, top du top. Tout le monde va adorer. On va organiser un concours de Miss. Miss annule tout. Et alors, ouais, la plus belle auditrice, ça sera formidable. Oui, je suis bien à l'agence plein soleil. Qu'est-ce que tu fais? Chut, je passe un coup de fil. Oui, Vanessa Kerr ici. Oui. Écoutez, j'avais réservé un voyage aux Bahamas. Oui, c'est ça. Est-ce que vous auriez quelque chose dans les Yvelines? Oui. Ah, Versailles, très très bien. Oui. Oui, je me rends compte que le climat sera pas le même. Enfin, le château non plus. Oui, c'est ça. Oui, on garde la même date. Oui, merci. Au revoir. Mais pourquoi tu fais ça? À la première boulette. Je suis là en 15 minutes chrono. Est-ce que c'est clair? En même temps, c'est sur le RERC. Il est en grève une fois sur deux. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité au couteau de boucher. Et voici les trois informations qu'on va débiter jusqu'à 18h. C'est un grand jour pour le Made in France. C'est un grand jour pour l'aviation de combat. Un pays étranger a enfin acheté le Rafale, l'Égypte. Mais attention, la signature n'aura lieu que lundi. D'ici là, Gaston Lagaffe peut encore passer par là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je me débarrasse de ces contrats. Crac signature, crac paraf à toutes les feuilles. On connaît désormais le détail des cagnottes parlementaires. Certains députés les allouent à des clubs de boules, de pétanque. Hein. Même une ex-députée PS condamnée pour détournement de fonds publics, Sylvie Andrieux, continue à ventiler sa cagnotte. Vous autres, je sais pas ce que vous aimez, moi c'est les sous. Retour vers le futur dans la presse, une édition de Closer, un bien de l'État, une photo de Julie Gayet, polémique. Elle utilise une voiture officielle et deux officiers de sécurité. La personne à protéger est une vedette de cinéma, mais attention, ce ne sera pas une partie de plaisir. Et pour s'emparer de ces infos, je suis accompagnée de celui qui lève des filets à partir de grosses blagues, Alex Vizorek. Oh Charline, vous allez nous manquer la semaine prochaine, ça je vous le dis déjà. Guillaume, je vous surveille. Oui, on est déjà inquiets. Et pour vous divertir encore une dernière heure avant la quille, une toute belle équipe à 17h20, hier soir à la Nouvelle Star, il a parlé de Kurt Weill. Ce qui vous permet à tous de déduire que le jeudi soir, je regarde André Manoukian à la télévision. Bonjour André. Merci Alex. De rien. Bonjour Charline. Aujourd'hui, Rosemary Stanley, la magnifique chanteuse de Moriarty qui se frotte cette fois-ci au Elstrofer Band pour nous donner un album entre ballades baroque anglaise du 17e et standard américain, Love I Obey. Ça va être ma devise, ça. J'obéis. Love I Obey. Extrêmement bon teasing, c'est bon. André, c'est votre truc. À 17h30, si vous êtes encore sur cette antenne, celui qui parle de la même manière à un député, à une voyante, à un militaire ou à un labrador. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex. De quoi parlera-t-on? Alors aujourd'hui, grande enquête sur un poissonnier exhibitionniste dans la commune d'Auchel, c'est dans le Nord. Son procès se tient aujourd'hui et toute la ville est en émoi. Par exemple, la gérante de la brasserie qui serait peut-être bien séduite. Pourtant, ça m'aurait séduit. Ouais. Certainement pas, c'est pas mon style. Ah non, a priori non. Clara est pas là, on l'embrasse, elle revient lundi. Mais à 17h55, on ne termine jamais une semaine sans lui. C'est un peu notre qui à nous. Et d'ailleurs, physiquement, il a un peu l'air d'une qui. C'est Frédéric Fromet. Il sera là pour nous chanter sa chanson de la semaine. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Ah. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Elisabeth II, car vous êtes né en Angleterre, et sous Pompidou, car vous êtes aussi français. Vous publiez votre premier dessin dans la version belge de l'Express, le Vif l'Express en 93. C'est l'année où Guillaume Meurice entre au collège Léon Blum. Vous partez vivre 6 ans en Australie en 2004. C'est l'année où Guillaume Meurice fait sa première blague au Café de l'Union à Vesoul en ouvrant un carambar. Vous publiez votre premier album solo Pablo, 9 mois, en 2009, quand Guillaume Meurice vit son premier chagrin d'amour en écoutant en boucle « Toi plus moi » de Grégoire. Ouais, c'est en 2009. Il est super ce sommaire. Et notre invité, c'est vous êtes Nicolas Vado. Oui, bienvenue. Bah oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Sur France Inter, Charline Van Necker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Il faut dire à l'auditeur que cet après-midi, Guillaume s'est dit « Non, j'ai une idée, je trouve ce sommaire parfois il est long. Cette histoire de date, je pense que c'est pas toujours intéressant. » Ici, c'était quand même palpitant. C'était vraiment bien, voilà. Non, mais il faut le garder. Là, comme oui, ça, oui, l'auditeur le sait. Nicolas Vadeau, première question, est-ce que vous saviez que votre destin était tellement lié à la vie de Guillaume Meurice? Non, mais je viens de l'apprendre et je dois dire que je vais passer un week-end fantastique grâce à ça. Au moins, je ne suis pas venu à Paris pour rien. C'est formidable. Moi, j'ai fait tout en fonction de vous. Vous avez mais vu, ça, je sais. Date, hein. Voilà. Ah oui. C'est bien la première fois que ça m'arrive que quelqu'un fasse tout en fonction de moi. Il faut arrêter de boire du rouge à midi le vendredi. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Nicolas Vado est avec nous, dessinateur, caricaturiste. On peut retrouver votre dessin de la semaine dans, je disais, la version belge de l'Express qui s'appelle Le Vif l'Express. Ce qui est en fait un peu faux, si je puis me permettre, ma chère Charline. Puisque l'Express appartenait au groupe Roularta, donc c'était plutôt le contraire en fait. Mais maintenant, il l'a revendu. Voilà. C'est tout frais. Actualité belge évidemment, mais aussi française. Est-ce que l'actualité française, vous la caricaturez régulièrement dans le magazine belge? Est-ce qu'elle se prête éventuellement plus à la caricature que ce qui se passe en Belgique? Elle s'y prête, non, autant que ce qui se passe en Belgique, parce que les Belges sont très friands de ce qui se passe en France, parce que la politique belge, c'est très compliqué. La politique française, c'est compliqué aussi, mais il y a plus de gens charismatiques, on va dire. Donc des gens comme François Hollande, comme Sarkozy, c'est des cadeaux pour nous. Donc évidemment, ils y passent aussi. Quand vous dites charismatique, vous pensez à François Hollande directement? Non, je pensais plutôt à son scooter, en l'occurrence. Dernièrement, vous avez caricaturé, par exemple, Hollande-Merkel, comme ils vivent une lune de miel diplomatique en ce moment. Je les ai fait hier, en train de se faire avoir par Poutine, quand je dis se faire avoir, en tout bien tout honneur. Non, j'ai beaucoup dessiné Angela Merkel et Alexis Tsipras ces derniers temps. Angela Merkel, il y a une très très chouette caricature où elle est en maîtresse sadomaso. Tout à fait, et elle domine les Grecs et elle se fait dominer par les Russes. Oh, parce qu'il y a toujours une triple lecture chez Nicolas Vado, il faut regarder ses dessins. Allez sur sa page Facebook, vous allez en voir plein. Vado, V-A-D-O-T. Vous pouvez voir Nicolas Vado sur Internet évidemment, et ce soir sur France 24 à 19h10 dans Une semaine dans le monde, car chaque semaine France 24 consacre un moment aux nouvelles du front de Cartooning for Peace, donc vous êtes le vice-président, peut-être ? Voilà, je suis le vice-président de Cartooning. Et donc, dans Une semaine dans le monde, il y a 3 ou 4 sujets d'actualité. Et c'est ponctué à chaque fois par des dessins de la semaine dessinés par des dessinateurs de Cartooning qui sont 120 dans le monde entier. Et quand Plantu court le monde et partout en même temps, vous... Et bien justement, il est à Jérusalem aujourd'hui, donc c'est moi qui le remplace. Voilà. Alors, nous avions reçu le dessinateur Babouze la semaine dernière, qui travaille pour Charlie Hebdo. Enfin, c'est son homonyme qui travaille pour Charlie Hebdo, parce qu'il ne veut pas avoir de problème. Et pour l'humanité. Et qui a été un peu virulent dans cette émission en rappelant que Cartooning for Peace avait reçu un prix du Qatar, et c'est un petit peu... Mais comme nous n'y connaissons rien, on s'est dit on va avoir l'autre son de cloche. Que se passe-t-il? Et bien voilà, j'ai eu Plantu au téléphone qui aurait pu venir. Il m'a dit non, je ne vais pas venir, mais comme je venais vous voir par rien, donc en tant que vice-président de Cartooning, je pourrais quand même... j'ai écouté ce charmant monsieur raconter ses trucs avec bit poil couille dans chaque phrase. Mais vous n'êtes pas obligé de reprendre ça, c'est mon voilà, mais surtout, enfin, il a le droit de dire tout ça s'il veut, mais en revanche, il a dit des âneries sur Cartooning for Peace, que je vais ici un peu corriger quand même. Qui a reçu un prix du Qatar à l'ambassade. Pourquoi il a reçu ce prix du Qatar? C'est parce que Plantu avait réussi à mettre ensemble des dessinateurs de différents pays, des Libanais, des Israéliens et d'un autre pays arabe, je crois. C'est pour ça qu'ils avaient reçu le prix, et le prix n'est pas allé dans la poche de Plantu, évidemment. Mais surtout, Cartooning for Peace n'a pas été créé en 2012 suite à la publication et caricature de Mahomet par Charlie, mais en 2006, après l'affaire des caricatures. Et alors, dire que Cartooning for Peace a été créé sur le fait qu'on dirait, oui, on dessine plus sur Mahomet et vous dessinez plus sur les Juifs, je ne sais pas où il a trouvé ça, c'est une ineptie. Quand Plantu a créé Cartooning avec Kofi Annan en 2006, à la suite de l'affaire des caricatures de Mahomet au Danemark, il faut bien comprendre que le plus important en Cartooning, ce n'est pas le titre Cartooning, mais c'est le sous-titre « Désapprendre l'intolérance ». Et c'est à ça que sert Cartooning for Peace. Et dire que Cartooning for Peace est une association de merde, demander à... Sick. Demander... Je vais très vite parler 3 dessinateurs. Vous prenez Willis from Tunis, qui est Nadia Kari, qui est une dessinatrice tunisienne, qui a eu énormément d'écho grâce à Cartooning for Peace et... on pouvait beaucoup moins l'emmerder en Tunisie parce qu'elle avait cette notoriété Cartooning for Peace, de 1. Raima, dessinatrice vénézuélienne, qui faisait des dessins contre Hugo Chavez et contre Nicolas Maduro, et qui a été virée de son journal, qui est menacée et qui va trouver l'asile politique en France ou en Belgique, notamment grâce à tout le ramdam qu'a fait Cartooning for Peace, et aussi Ali Ferzat en 2011, qui a eu les mains cassées à coups de marteau par les sbires de Bachar el-Assad, qui a pu être extrait de Syrie, qui vit maintenant ailleurs, grâce notamment à des lanceurs d'alerte et notamment à Cartooning for Peace. Donc c'est à ça aussi que sert Cartooning for Peace. Et donc Cartooning for Peace, qui est aussi une forme d'union internationale des dessinateurs. Et donc, ce serait bien aussi qu'en France, il y ait une forme d'union nationale déjà des dessinateurs entre eux. Et dernière chose, je dirais Cartooning for Peace, c'est 120 dessinateurs, mais malheureusement, il n'y en a plus que 119, parce que parmi les 120, il y avait Tinius, que je connaissais, qui travaillait à Charlie Hebdo et qui était membre de Cartooning for Peace. De Cartooning, très bien. Alors, on peut retrouver, évidemment, il y a un site internet pour Cartooning for Peace. Cartooningforpeace.org. On peut vous soutenir et notamment voir des expositions à travers le monde, hein, parce que si on voyage un peu, on Mais peut croiser. Il n'y a pas que ça, parce que ce qui est très important, ce que je suis en train de faire, moi notamment en Belgique, c'est d'aller dans les écoles et parler. Je parle de mon travail à des élèves qui ne sont pas du tout Charlie et qui vous sortent des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et ils n'ont pas l'habitude d'être relayés dans la presse. Et moi, je leur parle du blasphème, je leur montre des caricatures de Mahomet, je leur montre la fantastique une de Charlie qu'avait fait Luce. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec Gueluc, je trouvais que cette une était très très bien. Je leur montre des dessins comme ça et j'essaie de dialoguer avec eux et je leur dis qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord et qu'ils ont le devoir de dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais sans se taper sur la gueule. Et ça, c'est tout un travail éducatif que l'on fait à Cartooning for Peace aussi et qui donne aussi de l'importance à Cartooning for Peace. Et comme dirait Alex Vizorek, cette émission est là aussi pour changer le monde. Voilà. Et donc, restez avec nous. Voilà, on avance. On avance. On avance tout. Je n'ai pas dit que nos petits dessins changeaient le monde. N'exagérons rien. Et on n'a pas de prix du Qatar. Mais pour c'est vrai. Jamais, ça, et pour changer le monde, on a jusqu'à 18h. S'arrêter si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. S'arrêter. Non, on ne s'arrête pas. On est toujours là sur France Inter jusqu'à 18h. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe, Grégory Wallon. Ça tombe bien, notre invité travaille en Belgique. Et pourtant, vous êtes français, britannique et australien. Oui, on m'appelle le Jason Bourne du dessin de presse. Nicolas Vado qui dessine dans le Vif, l'Express. Et autour de cette table, et les oreilles. Et dans l'écho, si je puis me permettre. Et sinon, dans l'écho, bien sûr. L'écho qui est l'équivalent de Les Échos, parce qu'en France, il y en a voilà. plus. Voilà. Avec autour de la table, André Manoukian, Guillaume Meurice et vous, par Twitter, hashtag annule tout, Théo Duchossois qui nous envoie une photo d'un article de vous, Charline Van Locker, dans SoFoot, où vous dites cette phrase forte: mon plombier ne fait pas un salto arrière à chaque fois qu'il répare une fuite. Oui. C'est votre avis sur le sport et je pense que ça vaut la peine on me demandait de réagir au fait que les footballeurs faisaient des triples saltos en marquant un but. Enfin, ils font juste leur job, non? En même temps, vu la taille des appartements parisiens, faire un salto arrière, ça ne va pas facile. André, quand vous faites référence à votre plombier, c'est pas suite à quand vous m'avez invité parce que votre robinet fuyait. Merci André. Non. Quand j'ai un problème de fuite de robinet, je n'appelle pas André Manoukian. En revanche, André, après l'acte, fait triple salto. Je vous rappelle qu'on fait une émission de radio. Il y a des gens qui vous écoutent. Prenez-en conscience, chers auditeurs. Nous revenons avec vous. Nous sommes pas loin, nous sommes tout près. Regardez, nous sommes là avec une revue de presse à deux voix. Charline Van Necker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par cette information qui nous a tous surpris. Jean-Luc Lahaye aurait été arrêté pour corruption de mineurs. Oui, enfin, c'est pas clair, hein. Surtout qu'aujourd'hui, Jean-Luc a démenti, il a dit qu'il s'était rendu lui-même à une convocation. Bref, on attend et je propose que, voilà, pour l'instant, on le soutient. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on passe un extrait d'une chanson de Jean-Luc. Il suffirait de presque rien, peut-être. Mais la technique, non, coupe. Mais c'est Reggiani. Non, mais attendez, cherchez le disque de Jean-Luc. Je suis désolé. C'est pas grave. Non, mais passons à François Hollande plutôt. Oui. Qui, hier soir, dans une conférence de presse, a mélangé toute sa géographie, hein, était un peu fatigué. Oui. On comprend. Confondant l'Inde avec l'Égypte et puis l'Égypte avec la Grèce. Ah, c'est pour ça. Bah pour ça quoi? Eh bah qu'il a obtenu le cessez-le-feu de Vladimir Poutine en Crimée. Là je comprends pas là. Bah, si Hollande lui a demandé d'arrêter d'annexer la Guinée, tu m'étonnes que Hollande lui a dit tout de suite oui. Ah bah oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai. Ah attendez, parce que la technique me dit qu'ils ont retrouvé l'hommage à Jean-Luc Lahaye. Voilà, Jean-Luc, on est avec toi. Une petite chanson. Elle n'avait pas 18 ans. Mais non! Mais c'est ces gens! Je suis désolé. C'est ces gens au couple. Passons à Arnaud Montebourg. Oui. Passons à Arnaud Montebourg. Fraîchement sorti de l'INSEAD comme élève, il a été donné cours à Princeton comme professeur, ce qui revient pour un espoir de l'AS Saint-Etienne après une victoire en Coupe Gambardella d'aller entraîner le Real Madrid. Et il n'y va pas tout seul. Non, les hasards de la vie. Aurélie Filippetti va donner une conférence à Princeton aussi. Oui. Ah, ça, c'est l'amour, c'est aussi donner cours ensemble dans la même direction. Hein. Et quel sera le thème de la conférence d'Aurélie alors? Eh bien, ce sera sur l'exception culturelle française. Ah oui. Ah bon, et de quoi est-ce qu'elle va parler? Ah bah, de Christophe Maé, de Marc Lévy et de Luc Besson. Ah oui, très très bien. Et on termine par une info qui vient de tomber. Oui. Terrible et inattendu, l'affaire Big Magnon s'invite chez les Balkany. Non. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête sur un contrat passé entre la mairie de Levallois-Perret, dirigée donc par Balkany, et la société Big Magnon. Ah oui. Non mais finalement, moi je suis rassurée. Bah de quoi? Bah disons que lui-même trouvait ça bizarre qu'il n'y ait rien à se reprocher dans cette histoire-là. Oui, pour l'instant, il est innocent, Charlie. Oui. Balkany, c'est un petit peu le Jean-Luc Lahaye de la corruption. Oui, quoi. Alors, non, parce qu'on a dit qu'on le soutenait. Ah, pardon. Et donc, voilà, on a retrouvé la chanson hommage à Jean-Luc Lahaye. Prendre un enfant. Mais non, ça suffit, maintenant, on arrête. Terminez-moi ça. Oh là là, dites donc, Alex, vous aurez que vous êtes applaudi, il y a un public. Quand je parle de Jean-Luc Lahaye, il y a 4 stagiaires de 3e derrière moi. C'est très gênant. Eh oui, nous sommes accompagnés de stagiaires de 3e parce que nous formons la graine de journalistes de ce pays, sachez-le. Voilà. C'est quand même... On n'est pas rendu. Et nous sommes ensemble avec Nicolas Vado. Nicolas Vado qui publie les 3 tomes de Je remets mes lunettes de Norbert l'Imaginaire aux éditions du Lombard. Enfin, je les ai publiés il y a 3 ans quand même. Bah, ça date un peu. Mais ça ne traite pas d'actualité. Tout à fait. Mais c'est pour les plus jeunes aussi. Non, c'est pour les plus jeunes, pour les plus âgés. C'est l'histoire d'un coup de foudre vu depuis l'intérieur de la conscience, avec chaque émotion représentée par un parti politique. C'est assez complexe comme ça, mais c'était assez facile à lire. Ça me parle, oui, parce que alors moi, dans ma conscience, des fois, j'ai des vraies guerres qui se passent. Eh bien, exactement. Il y a Lisé Norbert l'Imaginaire, paru au Lombard. C'est génial. Allez, on va aborder avec vous le premier sujet de cette émission. Depuis sa création en 86, il n'avait jamais quitté la France. Et ça y est, le Rafale a pris son envol. Pardon, c'est l'émotion. 24 unités ont été vendues à l'Égypte. Comme à chaque fois, il a été très difficile de convaincre l'acheteur. Finalement, ça ne le fera pas. Ça fait trop de thunes. Oui, mais attention, il y a le matos, là. Et jante large Shelby 16 pouces, siège Bakker et carreau, arceau de sécurité. Hein, spoiler avant, aileron arrière, jupette latérale. Non, il y a tout, là, il y a tout. Mais ça me fait trop de... trop cher, trop de thunes. On est entre pilotes. Alors, je te fais une petite remise. Caméra café. Vous qui êtes français, Nicolas Vado, est-ce que c'est un grand jour pour vous, pour le Made in France et pour la France? Ça y est, enfin, le Rafale est vendu. Mais oui, mais absolument. Mais par rapport à ce que disait Alex tout à l'heure, est-ce qu'il est sûr de l'avoir vendu à l'Égypte et pas à l'Inde, puisqu'il s'est gouré dans la géographie? Ça, c'est une chose. Et alors, si on lit un peu sur le Rafale, on s'aperçoit qu'en fait, la raison pour laquelle la France n'arrivait pas à vendre le Rafale, c'était quoi? C'est parce que c'était trop cher. Comme quoi, la France n'est vraiment bonne que dans les produits de luxe. De luxe. Et là, apparemment, ça marche. C'est un peu comme si les Égyptiens s'étaient dit, on allait chez McDonald's et maintenant on va aller chez Fauchon. Quoi. C'est plus cher, mais c'est plus chic. Oui, il y avait aussi la question de trop de haute technologie. Quoi. C'est-à-dire que tout n'est pas compatible avec la médiocrité du monde. Hein. Non, c'est vrai. Voilà. Alors, Serge Dassault aura vu ça de son vivant. C'est aussi quelque chose. C'est vrai. Enfin, de son vivant. Oui. C'est un peu comme si Castro était sûr. Vous voulez dire quelque chose, André Manoukian? Le Rafale, c'est quelque chose qui... Non. Je vous ai vu lever le doigt, c'est pour ça. Oui, non, c'était pas du tout... Non, mais je vous sauve. Alors non, parce que voilà, c'est ça, vous me sauvez parce que... Oui, je vais vous rendormir. Non, mais la France, dans les instruments, de précision, c'est vrai qu'on est... Si, voilà, ce que je voulais dire, c'est que... Faites une citation de Deleuze. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de marque de, je ramène tout à la musique, de synthétiseur français? Réfléchis, deux secondes. Ah, on ne sait pas, parce que les Égyptiens ne sont pas acheteurs. C'est anglais. Non, parce que dans les années 70, ou enfin à la fin des années 60, tout ce qui était électronique était réservé comme brevet prioritaire à l'armée. Donc comme il fallait faire ces instruments de musique avec de l'électronique, eh ben, c'était trusté par l'armée. Voilà. Magnifique. C'est très poétique. Ouais. On pourrait faire un synthétiseur avec un Rafale. Exactement. En fait, ils ont de la musique dans les Rafales. En tout cas, si les VRP de chez Dassault ont réussi à vendre des avions à l'Égypte, c'est peut-être parce qu'ils avaient présenté l'avion de profil. Et là, cette fois-ci, ça a marché. Voilà. Au bout de quelques dizaines d'années, ça fonctionne. Sachez que si vous êtes intéressé par le sujet, il y a bien sûr une double page dans Le Figaro qui appartient au groupe avec Dassault. Avec un bon de commande, si vous voulez acheter. Exactement. Avec un article intitulé « Un avion de combat ultra polyvalent ». Par excellence, ultra polyvalent, c'est le terme qu'il convient aussi pour qualifier André Manoukian au moment de sa chronique. Eh bien, c'est parti. Écoutez cet instrument. Qu'est-ce que c'est? C'est une guitare. Non. C'est une harpe. Non. Pas loin, hein. Un stérilet afghan. Ça peut pas marcher à tous les coups. C'est un instrument encore. C'est entre la guitare et... On n'est pas loin. Ça s'appelle un théorbe. C'est une forme de luth. Alors, c'est très spécial. Hein. Ça a un manche énorme. Ah, et ça, un deuxième manche. Voilà. Alors, sur le manche, le manche est tellement grand, il fait pratiquement 1,50 m, voire 2 m, comme ça. La forme, effectivement, est la forme d'un luth. Il y a des cordes graves qui résonnent et qui sont accordées parce qu'impossible d'aller les chercher là-haut au niveau du manche. Par contre, sur le deuxième manche, donc on a 8 cordes qui sont à un niveau comme une guitare normale, si vous voulez, à laquelle on aurait rajouté ces immenses basses. Et du coup, ça nous permet... Il faut préciser qu'André mime en même temps, le manche. C'est ça, voilà. Ouais. Donc ça vous permet de jouer de la guitare avec des basses très profondes. C'est comme si vous jouiez du piano en même temps qu'une contrebasse. C'est ce que vous voyez un petit peu, Charline. Donc c'est un instrument qui a été inventé à la fin du 16e, dans le 17e en Italie, c'est-à-dire qu'on est en pleine époque baroque, on est en pleine époque où l'organologie, c'est l'étude des instruments de musique et non pas de ce que bien, vous oui. pensez, est en pleine effervescence. Mais là, je pense que tout le monde visualise le manche. Voire en pleine turgescence, puisqu'on est dans le baroque. Et c'est quoi le principe du baroque? Eh bien, c'est les plis, c'est les replis, c'est la pensée qui est pliée, qui se déplie, c'est la musique qui est pliée, qui se déplie, c'est Bach qui va le plus plier un petit peu tout ça et que tous les musiciens derrière lui vont déplier. Alors, pour raconter l'histoire de Loud, je vous ai déjà raconté ici l'histoire de Ziryab, ce petit kurde au 8e siècle qui voulait apprendre la musique et qui fit si bien que son maître jaloux l'expulsa, et à Cordoue, il forma le premier conservatoire de musique. Bref, Loud donne le luth donne le théorbe, et le théorbe va voyager avec les troubadours du monde entier. Elle, cette voix qu'on entend, vas-y, mets un peu plus fort, Benjamin, mets un peu plus fort. Soft pearl in the streams. Elle n'est pas magique, cette voix? C'est Rosemary Stanley, la chanteuse de Moriarty. non seulement elle est magique, mais moi je trouve qu'elle est belle comme Billie Holiday, qu'elle est intemporelle. Rosemary, elle aime chanter entourée de ses hommes avec un seul micro pour tous à l'ancienne. Ce disque-là, elle l'a fait en rencontrant Elstrofer. Elstrofer, c'est un musicien qui est un grand guitariste qui a pris le goût du théorbe et qui s'est mis à explorer ses instruments anciens. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait, Rosemary ? Depuis ses derniers albums, elle s'appelle Rosemary Stanley, son père est américain, sa mère française, elle explore ses racines américaines en remontant un peu le temps. Avec Moriarty, il nous avait servi un album autour des troubadours américains, des Dylan, des grands Woody Guthrie, etc. Cette fois-ci, elle remonte encore plus loin, au XVIIe siècle, en allant chercher Purcell, en allant chercher les baroques anglais. Et finalement, elle a une voix qui est à la fois une voix du bayou, c'est-à-dire qu'elle a à la fois la voix du blues et en même temps cette voix baroque incroyable. Et elle fait un trait d'union entre ces deux musiques-là. When you wake, you should have a cake and drive this pretty little horse. Alors là, c'est super intéressant ce qu'on entend, parce qu'elle est dans un rythme folk pour démarrer, et là, écoutez le clavecin baroque qui lui répond. C'est-à-dire que non seulement elle va chercher aux origines de cette musique, mais elle les remêle pour bien montrer que l'une vient de l'autre et que finalement, c'est comme un petit peu si on jouait un menuet de couperin avec une chanson de... comment il s'appelle le chanteur dont vous parliez tout à l'heure ? Jean-Clay. Voilà, c'est ça. Mais je ne suis pas sûr que ce serait aussi chouette. Alors, le baroque anglais, il s'exporte aux États-Unis, il devient le folk, mais il est resté le baroque anglais et il y a toute une part de musiciens qu'on appelle les minstrels. L'origine de ménestrel, c'est intéressant, ça vient du latin ministerialis et ça veut dire serviteur. Ça veut dire que les musiciens finalement sont toujours un petit peu, ont toujours été des serviteurs à la cour des grands. Leur patron était soit les évêques, soit les nobles, et en même temps, ils étaient à la fois des saltimbanques et en même temps au service de quelqu'un et en même temps des princes. En 1960, il y a un mouvement, le folk anglais, qui reprend toujours ce truc des ménestrels. Et à Liverpool, ils sont très en vogue. Et finalement, quand les Beatles arrivent, ils vont mélanger les rythmes rock avec cette musique baroque du 17e. Et c'est pour ça qu'ils vont former cette sorte de rock mélodique qui va péter dans le monde entier. Allez, on écoute encore un dernier titre de Rosemary avec le Elstrofer Band. Et ça s'appelle... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est beau. Jordi. Ça s'appelle Jordi. Ça s'appelle Jordi. As I walked out of her London bridge one misty morning early, I overheard a fair pretty maid weeping for the life of Jordi. Go sat around bright. Pardon, Jordi. stole 16 of the king's royal deer and sold them in Bohai. Oh, Geordi was walking up the street. He bid farewell to many. He bid farewell to his own true love, which grieved him worse than any. I wish I was on yonder hill where kisses I've had many. My sword and pistol by my side, I'd fight for the life of Geordi. La jolie voix de Rosemary Stanley. Et je vous conseille d'aller voir ce qu'est un théorbe sur internet, donc T-H-E-O-R-B-E. On dirait une guitare qui aurait passé une semaine à Fukushima. Mais c'est vraiment très impressionnant. Merci, merci pour cette précision, bah, Maître voilà. Capello. Comme ça, vous avez une idée. Vous êtes bien sur France Inter, il est 17h37 à Paris et à Samoin. C'est en Haute-Savoie et c'est là où Alex Vizorek va passer le week-end. Puisqu'il la Saint-Valentin même, figurez-vous. Oui, parce qu'il y joue son spectacle, allez le voir voilà, à Samoin. Samoin. Alors, il paraît qu'on ne prononce pas le S. Non, il paraît qu'on ne dit pas le S. J'ai habité en Haute-Savoie 8 ans, enfant, mon cher ami. C'est marqué sur Wikipédia, on ne prononce pas le S. Non, on dit Samoin. Bon, on dit Samoin, moi je suis à Chamonix, c'est juste à côté. Voilà. Mais Wikipédia, c'est n'importe quoi. Quand est-ce que vous passez à Wikipédia, ça dit. Samedi soir. Donc, je vous rappelle qu'on a une émission de radio, il y a des gens qui nous écoutent. Et il y a même des stagiaires de 3e dans le studio. Et voilà. Voilà. Wikipédia, ça dit bien que Serge Dassault est vivant, donc c'est vraiment pas fiable. Et nous sommes en compagnie de Nicolas Vado, dessinateur caricaturiste. Vous pouvez le voir ce soir, par exemple, sur France 24, dans Une semaine dans le monde, à 19h. 10, où vous allez voir un petit peu les dessins de la semaine avec Cartooning for Peace, dont vous êtes le vice-président. Voilà. À 17h38 sur France Inter, c'est le moment de Guillaume Meurice. Attends. C'est la dernière enquête de la semaine. Alors, grosse enquête aujourd'hui. Je vais vous parler d'un procès qui se tient aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais et qui concerne une affaire de mœurs. Ouais, ah, d'accord. Bah oui, voilà. C'est comme si je vous disais qu'il y a de la fraude fiscale à Levallois. Mais bon, là, il s'agit d'une affaire mineure, mais qui n'a rien à voir avec Jean-Luc Lahaye. Il s'agit donc d'un procès qui se tient aujourd'hui et qui concerne un poissonnier de la commune d'Auchelles qui a été surpris en vitrine de son commerce en tenue de femme, guêpière apparente et testicules aussi, avec, il faut quand même le préciser, 1,64 g d'alcool dans le sang. Ça, c'est vrai que ça aide. Hein. C'est vrai, si vous êtes boulanger et que vous avez envie de poser à poil en porte-jartel entre deux pains au raisin et une baguette tradition, picolez un peu, hein, ça devrait vous aider. Donc, j'ai mené l'enquête. Tout d'abord, à qui profite le crime? À qui profite ce scandale autour de la poissonnerie d'Auchelles? J'ai appelé la boucherie d'Auchelles. Est-ce que ça ne serait pas un complot de votre part pour vendre plus de viande? Ah non, non, non, non, non. Tout le monde a le droit de vivre, hein, puis c'est bon du poisson. Hein. Mais oui, mais du coup, les gens ne vont plus aller à la poissonnerie, ils vont venir chez vous, donc vous y gagnez. Oh non, souvent à la poissonnerie, on y va le vendredi. Et est-ce que ça ne serait pas vous qui lui auriez fourni la guêpière? Non, non, pas du tout. Mais bon, vous me posez des questions comme ça. Bah, parce que je mène l'enquête, ma petite dame, dis donc. Et j'en ai pas fini avec vous. Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous balader toute nue dans la boucherie? Non, non, non, non, non. Ça, c'est un choix, parce que bon, il n'y a pas le profil d'un top modèle. Hein. Vous, vous n'avez pas le profil d'un top modèle? Non, le poissonnier. Ah, le poissonnier, mais vous, peut-être que oui. Ah, oh, bah, faut venir me voir. Ah, bah, j'irai, hein, donc j'irai à Auchelles voir la bouchère. Mais pour l'instant, poursuivons notre enquête. Le poissonnier s'habillait en femme. Donc, demandons à la marchande de vêtements féminins d'Auchelles. Bon, est-ce qu'il venait s'habiller chez vous? C'est ça la question? Du tout, du tout. Jamais? Jamais. Non, non, je le connais pas, sincèrement. Non, parce que lui, ça va peut-être lui ramener du monde après. C'est à double tranchant, il me semble, mais bon. Finalement, il fait du buzz, hein. Vous pensez, sincèrement? À votre avis? Je sais pas du tout, je me prononce pas, j'en sais absolument rien, ça m'intéresse fort peu, en même temps. Bon, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous déguiser en femme? Je suis une femme. Ah oui, oui, bah oui. Oui, donc c'est vrai que c'est un petit peu triché. Essayons avec un autre complice potentiel, le marchand de vin, puisque je vous rappelle que notre ami poissonnier était complètement sous. Est-il dans le coup? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous vendez de l'alcool? Oui, non, non, non, je le connaissais même pas, donc non, désolé. Il est jamais venu chez vous? Non, pas à ma connaissance. Vous lui avez jamais vendu de vin, ni de guêpière? Non. Du vin, j'aurais bien aimé. Guépierre, non, je n'en vends pas, donc désolé. Désolé, mais il aurait quand même bien aimé lui vendre du vin. Bon, il me semble quand même innocent. Essayons une autre piste, complètement autre chose, en posant la question... Pourquoi se déguisait-il en femme ? Et demandons à la gérante de la brasserie Le Longchamp, les anciens voisins de notre poissonnier. Pourquoi il se déguisait en femme ? Ouais. Bah parce qu'il avait peut-être peur de se déguiser, d'être en homme. Ah bah ouais, ça serait logique, ouais. Certainement. Et vous, en tant qu'homme, il vous séduisait ou pas ? Ah bah sûr, certainement pas. Ah non, d'accord. Et en tant que femme ? Pas. Avec 20 ans de plus que lui, certainement pas. Ah, vous avez 20 ans de plus que lui ? Oui. Bon, et en tant que femme, il vous aurait séduit ou pas ? En tant que femme, il m'aurait séduit ? Ouais. Certainement pas, c'est pas mon style. Ah bon ? Il aurait ressemblé à Kenji, ça m'aurait pas dérangé de regarder à la vitrine. Ah oui, d'accord, non, mais attendez, c'est pas du tout le sujet ça, hein ? Il ressemblait pas à Kenji, puis après tout, qu'importe, chacun est comme il est, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme il veut ! Voilà, attendez, en réagissant comme ça, est-ce que je ne passe pas à côté d'une possible raison d'un tel comportement ? Retournons auprès de la gérante du Longchamp. Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec la théorie du genre ? Est-ce que c'est parce qu'éventuellement il aurait eu un cartable Hello Kitty à l'école ? Je sais pas. Elle sait pas. Mais à mon avis, je tenais une bonne piste. J'ai donc appelé un spécialiste, un de ceux qui sont des plus hostiles à cette prétendue théorie, Alain Escala de l'association Civitas. Alors, si un enfant veut mettre un tel cartable, il faut lui interdire, mais pas seulement. Oui, il faut pas simplement lui dire non. Oui, mais alors, s'il veut absolument mettre ce cartable, comment on pourrait le convaincre ? Quels sont les arguments ? Mais les arguments, c'est de lui montrer que qu'une fille n'est pas un garçon et vice versa. Un garçon ne porte pas de jupe, de robe, ne joue pas à la poupée Barbie. Voilà. Et voilà, merde, c'est quand même pas compliqué. On explique aux enfants les choses simples. Un garçon, ça met pas de jupe, ça joue pas à la poupée Barbie. Voilà, il est là le problème. Il vient de là le déclin de la civilisation, de Babylone à Sodome et Gomorre, en passant par Auchel. Voilà une enquête rondement menée. Et pour la conclure, qui mieux qu'un spécialiste de la théorie du genre et des procédures judiciaires ? À poil le bébé, à poil la baby-sitter, à poil les voisins, à poil le chien. Et oui, à poil le chien et à poil le poissonnier. Merci Guillaume Meurice. On vient d'entendre un professeur à Sciences Po, oui, quand même. Jean-François Copé est professeur à Sciences Po, donc oui. On arrête de se moquer deux minutes. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Vado, dessinateur caricaturiste. Dans le Vif l'Express en Belgique, dans l'Écho, qui est l'équivalent de Les Échos en France. Et pour votre prochain album, vous faites appel au crowdfunding. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ce qu'on appelle le financement par la foule. Donc c'est un livre qui s'appelle 7 ans de bonheur, qui s'appelait 7 ans de malheur jusqu'à la semaine dernière. Et j'ai changé le titre, maintenant ça s'appelle 7 ans de bonheur, il y a trop de sinistrose. Et c'est un livre qui sera consacré aux 7 ans de la crise financière depuis la chute de Lehman Brothers. Donc tout y passe, les magouilles des banquiers, tout ça. Ouais, c'est une de vos spécificités, c'est de dessiner sur l'économie. Ah ben, surtout se moquer du capitalisme dans un journal financier, c'est quand même très rigolo, ce que je fais quand même assez souvent. Attendez, il y a des magouilles de banquiers ? Oh, quelques-unes, on sait pas trop. Et donc, le grand paradoxe, c'est que c'est un livre qui parle des méfaits du capitalisme et je fais appel au capitalisme pour le financer. Donc vous allez sur le site sandawe.com, sandawe.com, et les gens peuvent miser dessus le prix du livre qui sera 20 euros. Ils peuvent mettre beaucoup plus s'ils veulent, ils auront des bonus. Et donc ça permet de ne pas passer par un éditeur traditionnel et ensuite de dialoguer avec vos futurs lecteurs. J'ai 217, je crois, édinotes, éditeurs internautes. Et c'est très agréable parce qu'ils attendent le bouquin. J'avais déjà financé un autre album de bande dessinée, cette fois-ci, il y a 2 ans, qui s'appelait Maudit Mardi, par ce biais. Et c'est... Donc et ça aboutit. Ça aboutit. J'en suis à 62% financé en un mois. Il est temps que ça vienne, parce que moi j'ai investi alors. Ouais. Voilà. Sandawe.com, allez voir. Très bien, allez, on est avec vous jusqu'à 18h et on va aborder le deuxième sujet de cette émission, deuxième sujet. Mais que font les parlementaires de leur cagnotte ? Ils ventilent, ils dispersent, notamment dans des clubs de boules. Enfin, de boules, ah oui. Ne nous méprenons pas. Hein. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Ça m'a donné envie d'un Ricard. C'est joli, c'est joli. Oula, attendez, bisous au CSA, parce que oui, ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais enfin, on vous embrasse très très fort, le CSA, on vous aime. Réveillez-vous, le CSA, vous êtes en train de dormir. Voilà. C'est l'occasion d'un pointez-nous Oui, un petit point Thévenoud, ça fait du bien, mais parce qu'il est toujours député, oui, rappelons-le, bah, c'est bien de le rappeler. Salut. Thomas Thévenoud est toujours député, non inscrit de Saône-et-Loire, et donc il continue de distribuer l'argent du contribuable. C'est Le Parisien aujourd'hui en France qui nous le rappelle. Voilà, il donne un coup de pouce de 5000 euros à l'association Les Jardins de Cocagne. Pour la réinsertion dans le travail. Mais enfin, c'est quand même nos sous. Louise, mais c'est qu'est-ce qui sert à ça ? C'est ça l'idée ? Oui. C'est qu'ils peuvent. Alors, ce sont des projets associatifs. Par exemple, je vous donne un autre exemple. C'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Hein, par exemple, Fillon donne 2500 euros à l'amicale bouliste des arènes de Luthès. Ça, moi, je peux comprendre. Et ça, les boules, ils aiment beaucoup nos députés. Parce que NKM donne 1000 euros. Pour les boulistes de Longjumeau, voilà. Dans l'Essonne, et Éric Ciotti aussi, mais là c'est dans les Bouches-du-Rhône, et donc c'est un petit peu, voilà, c'est normal. C'est cette passion des boules pour nos députés, et ce coup terrible. De pouce financier, c'est quand même formidable. Et on ne parle pas de Béziers, on finance les clubs de tir, si j'ai bien compris aussi. Ah oui, alors c'est un autre aspect, mais oui, voilà, écoutez, c'est la transparence maintenant, vous savez, depuis l'affaire Cahuzac, et donc c'est le détail de la réserve parlementaire qui a été rendu public hier. Alors, on va pas... Ça va dans le bon sens, cette transparence, Nicolas Vado. Est-ce que ça peut lutter peut-être contre le sentiment d'impunité qu'auraient certains politiciens de devoir tout détailler comme mais ça, je ne sais même pas, le mais club c'est, de c'est marrant que Thévenoud fasse un truc pour la réinsertion par le travail. Je ne sais pas s'il va se l'appliquer à lui-même maintenant qu'il a perdu. Oui, mais... ça c'est une bonne idée. Peut-être qu'il fait partie de cette propre association. Tenez, je relève aussi dans Le Parisien aujourd'hui en France, Gilbert Collard, 1500 euros pour les chats libres de Saint-Gilles, qui promeut la stérilisation des chats errants de la commune. Alors ça, j'imagine les débats au Front National avec machine Brigitte Bardot. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais alors qu'on sait que Gilbert Collard est quand même favorable à une politique familiale volontariste, nationaliste et ambitieuse, sauf pour les chats, qu'il propose de castrer avec sa petite cagnotte. Mais ça s'apparente quand même vachement à des achats de voix, quand même, mine de rien, quand on finance une association de pétanque. Vous êtes vraiment très mauvais esprit. Vous êtes très mauvais esprit. Partout. Et d'ailleurs, j'enquêterai la semaine prochaine. Mais je vous propose d'enquêter. Hein, je vous le promets. Je vous rappelle que, comme le dit Alex Vizorek, qu'on change le monde et la France dans cette émission. Petit à petit, c'est vrai. Eh oui. Alors, on vous propose une exclusivité, attention, sur France Inter. Oui. Et là, on va rester dans la musique, dans la grande musique. Ça, vous savez, ce soir, ce sont les victoires de la musique. Et elles seront diffusées en direct sur cette antenne dans une émission présentée par Colin et Mauduit. Exactement. Et puis vos serviteurs sur toute cette antenne ont fait une reprise de Lesbéton de Renaud. Et on vous donne un avant-goût. Et ensuite, André Manoukian va nous faire un petit débrief. Déjà, vous devez reconnaître qui chante. Oui, et ensuite, vous nous ferez un petit débrief du talent de chacun. Type nouvelle star. Attention les oreilles. Let's go. Alors ? Ouais, j'arriverai pas à faire comme ça. Donc t'es parfait. C'est Patrick qui commence. Dans la vie, c'est toujours Patrick qui commence. On est d'accord. Et quand Patrick chante, Léa, ça la met dans un état, je te dis pas. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoulé au flipper. Le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre. Puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote ? Oh, elle me botte ! Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grand coup de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston. Moi j'y ai dit, laisse béton. Ah bon ? L'intégralité de cette reprise ultra customisée ce soir sur cette antenne sur France Inter avec Colin et Mauduit pour les victoires de la musique. Ah ben, je vais vous dire tout à l'heure, mais on va le mettre sur notre site parce que c'est déjà disponible sur la page de France Inter. Il y a le Dailymotion de toute la chanson. Vous moquez plus jamais du lip dub de l'UMP. Jamais. Je ne peux jamais entendre. Je vous ai reconnu vous, mais je n'ai pas reconnu Alex parce que j'ai l'impression qu'il chantait tout juste. Ah, attention. Alors, André Manoukian, vous avez reconnu qui ? Alors, bon, Patrick. Cohen. Patrick Cohen qui est un petit peu tendu. Alors, la tension se fait vers le haut, hein, on va dire. Alors, en anglais, ça s'appelle du bending. C'est-à-dire que quand on est légèrement... quand on détonne vers le haut, c'est comme un guitariste qui tire un petit peu sur les cordes de sa guitare. Donc, je dirais que Patrick fait du bending pour pas dire que Patrick chante légèrement faux, mais vous avez compris. C'est pas facile d'entamer. Alors, comme il porte haut et fort, c'est pour ça qu'aussi, peut-être dans un excès d'enthousiasme, il porte un peu trop haut. Léa Salamé. Ah, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Elle s'applique. Faillot. Il y a quelque chose d'un peu scolaire, quoi. C'est dommage. On sent qu'elle veut faire le job comme il faut. Elle aurait pu s'oublier un petit peu. C'est ce que je lui dis. Et se laisser aller un petit peu plus, finalement, à quelques débordements. Jean Lebrun, mon préféré. Parce qu'il reste lui-même. Il est dans sa personnalité. il raconte avec un ton grave, mais on sent que vraiment il est relié à son diaphragme. Et alors, et, vous, Charline, oui. Mais c'est impressionnant. Mais c'est, ouais, c'est la plus juste, et puis c'est la plus musicale peut-être. C'est pour que je reconduise votre contrat. Pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est même pas parce que vous avez cet adorable chemisier blanc aujourd'hui qui est légèrement entrouvert. Qui laisse entrevoir. C'est même pas pour ça. C'est juste parce que c'était. Il y a de la bonne humeur, de la modestie, et vous êtes comme vous êtes tout le temps, c'est-à-dire sincère. Il y aura aussi Alex Vizorek. Oui. J'interviens plus tard dans la chanson. Vous intervenez plus tard et c'est marquant. Et donc ce sera imitation. À écouter ce soir comme l'émission des Victoires de la musique avec Colin et Mauduit. À partir de 20h sur cette antenne. Allez, on aborde avec Nicolas Vado, notre invité, le troisième sujet. Julie Gallier. Julie Gallier n'est pas officiellement la compagne de François Hollande. Enfin, nous, ça n'est pas officiel. Enfin, je sais pas si... Il m'a pas appelé. Non, moi non plus. Moi, il m'a pas appelé non plus. Et d'après Closer, moi, elle était chez moi hier soir. Donc après, d'après Closer, et c'est confirmé par Michel Safin dans une dépêche, ouais, elle bénéficie d'une voiture mise à disposition par l'État pour des déplacements et d'une protection par deux officiers de sécurité de l'État. Elle a donc des gardes du corps de l'État de l'Élysée, Julie Gallier. Oh. C'était beau ça, non? Ouais. Mais Whitney Houston, oui, attention, ça ne lui a pas réussi. Hein, elle fait du bending un peu là, non? Nicolas Vado, vous qui êtes caricaturiste, évidemment, vous faites feu de tout bois, c'est cadeau. Mais c'est une question qui se pose ou pas? Est-ce que c'est légitime? Parce qu'on sort de l'esprit quand même du 11 janvier, d'une forme d'unité nationale. On était revenu au sujet de fond, aux choses visionnaires. Et là, on retombe à l'époque où on parlait du livre de Valérie Trierweiler, des révélations, etc. Mais voilà, il y a quand même deux officiers de sécurité de l'État, une voiture qui l'accompagne notamment sur un tournage dont elle est productrice, et c'est pas officiel. Mais donc ça devient un fait politique, c'est-à-dire que moi je ne traite jamais les trucs people ou tout ça parce que j'en ai rien à secouer, sauf si évidemment ça a une incidence politique. Je veux dire, l'affaire Monica Lewinsky, tout à coup ça devenait quelque chose de politique parce qu'il y avait la procédure d'impeachment avec Clinton. L'affaire DSK, ça devenait politique parce que ce type était un malade, enfin est toujours un malade sexuel. S'il avait été président de la République, ça aurait pu avoir une incidence sur sa présidence. Pareil dans le cas de l'affaire Julie Gayet, j'en ai parlé parce qu'il y avait un problème de sécurité de ce type qui va avec son casque et donner les croissants. Il y avait un réel problème de sécurité publique. Et là, en plus, si c'est avec de l'argent public qu'elle a cette protection alors qu'elle n'est pas première dame de France, on en parlera. Et ça pose un autre débat, évidemment, qui est le statut de la première dame de France. Nous, on élit un président, on n'élit pas un couple. Et oui, il y a un autre problème, c'est celui de la presse française, parce qu'il n'y a plus que Mediapart et Closer qui révèlent des choses. Oui, c'est ça. Oui, on s'attendait plutôt à voir ça dans Le Canard enchaîné ou dans Mediapart, et c'est Closer qui sort ce qu'ils appellent un reportage. Voilà, donc c'était cette troisième information avant l'entrée dans ce studio. Ah ouais. Deux. Dites-nous, Alex Vizorek. Mais c'est Frédéric Fromet. On l'attend chaque semaine. Qu'est-ce et qu'il c'est est vendredi. Ça nous annonce le week-end et puis la chanson rigolote du vendredi. De quoi vous nous parlez? Eh bien, suite à l'affaire SwissLeaks, je vous ai rapporté un chant traditionnel suisse. Ça, c'est typiquement français. Toujours voir le mauvais côté. En Suisse, dans les pâturages, à Gad Elmaleh on rend hommage. Ah la la, Gad Elmaleh, ah la la, yo, Gad Elmaleh, ah la la, il a aimé HSBC. Ah la la, Gad Elmaleh, ah la la, yo, Gad Elmaleh, ah la la, il a des sous qu'il a cachés. Youpi, une chanson antisémite. C'est trop facile de se moquer. N'a-t-on pas le droit de placer à la laillée son petit pécule chez les Helvètes à la laillette? Quand on vous surnomme Gad Elmaleh, à la la c'est bête, à la la yi, Gad Elmaleh, à la la yo, Gad Elmaleh, à la la il a fait ça pour la raclette, à la la yi, Gad Elmaleh, à la la yo, Gad Elmaleh, à la la il a planqué ses petites pépettes. Je le chante pas super bien parce que je manque de coffre. Vous n'êtes que des gros jaloux. Vous n'avez qu'à gagner des sous. Ah la la, you. Alors on verra bien, mon gars. Ah la la, ya. Si tu mets tout sur un livret A. Ah la la la loose, ah la la i i, galembale, ah la la i o, galembale, ah la la i la i la i la i la. Non, il a pas fraudé. Ah la la i i, galembale, ah la la i o, galembale, ah la la i la i la i la i. Il a ses petits secrets. C'est con qu'il ait pas dissimulé son fric à Quimper. Je vous aurais fait un bagad El Malais. Bien sûr, il n'est pas le seul sage à profiter de nos alpages, ah la la iage. Mais quand on dit qu'on aime sa banque, ah la la ma banque, est-ce qu'on vient trouver en Suisse une planque, ah la la le branque, ah la la ii, garen malé, ah la la io, garen malé, ah la la on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a pas épargné, ah la la ii, garen malé, ah la la io, garen malé. Et ça, il l'a, il l'a, il l'a, il l'a, il l'a, il ne l'a pas volé. Bravo, merci Frédéric Fromet pour cette chanson hebdomadaire. Gad Elmaleh qui sera au Casino de Paris en avril avec en première partie Frédéric Fromet. Je vous l'annonce avec cette chanson. C'est bizarre, je ne me trouve pas crédible. Merci Frédéric Fromet. L'art du yodel est quelque chose d'assez spécial. Et alors le yodel s'est exporté donc au 18e aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a certains cow-boys dans la country américaine qui yodel aussi. Mais je trouvais son yodel à Frédéric. Vous pouvez nous en faire un dernier, Frédéric? Frédéric Fromet de yodel, là, pour voir. Ah là là, ah là là, a cappella, c'est encore plus beau. C'est très difficile, je vous le confirme. Merci Nicolas Vado. Merci. Mais avec grand plaisir. D'avoir été avec nous. Je rappelle que si on veut découvrir votre œuvre, eh bien, on peut aller sur votre page Facebook, évidemment, Nicolas Vado. Et sur Vado. Mon site, nicolasvado.com. Et voilà, on peut aussi se procurer Norbert l'Imaginaire aux éditions du Lombard. Et puis qu'on peut vous voir, tiens, ce soir sur France 24 à 19h10. Une semaine dans le monde avec Cartooning for Peace, dont vous êtes le vice-président. Merci à tous, Guillaume Meurice. Eh ben bonnes vacances, patron. Je vais prendre cette place avec un plaisir. André Manoukian, je vous charge de les surveiller, n'est-ce pas? Alors, je les surveillerai lundi, mais après... Lundi, je on reçoit pas... Nabila. Lundi, il y a un détecteur de métaux à l'entrée. Lundi, nous recevons Virginie Hoc. Oui. Et croyez-moi que je vais garder une oreille sur cette émission de là où je serai. Allez, le mot de la fin au briefing de l'Élysée pour la protection de Julie Gayet. La personne à protéger est une vedette de cinéma. Mais attention, ce ne sera pas une partie de plaisir.